Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Marlène Dietrich et Jean Gabin, une passion dans la guerre. La photo est magnifique. Elle a dû être prise à Paris en 1944. Tous deux vêtus de leur uniforme, pantalon, blouson, godillot à lacets, presque identiques. À ceci près que Marlène, soucieuse toujours de son look, même sur le front, a dû faire tailler son pantalon sur mesure. Magnifique aussi parce que c'est une photo de soldats, Marlène Dietrich et Jean Gabin. Elle, l'Allemande qui a choisi le camp de la liberté, lui le Français qui a fui le régime de Vichy, tous deux engagés dans la guerre contre le nazisme. Mais la photo est aussi incroyablement glamour. Avec son sourire en coin et sa casquette de marin sur le côté, comment ne pas reconnaître dans le soldat Gabin le héros tourmenté de Pépé le Moko ou de Quai des Brumes ? Et dans le regard enjôleur de Marlène Dietrich, la femme fatale de l'Ange Bleu ou de Shanghai Express ? Et en même temps, c'est la photo d'un couple qui se retrouve. Marlène tenant tendrement le bras de son Gabin, qui se demande peut-être combien de temps ça va durer. Si leur idylle, née dans l'exil américain, pourra survivre à la guerre. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Patrick Glatre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de Jean Gabin, l'auteur de plusieurs ouvrages sur le comédien et l'homme Gabin, mais aussi sur, pour le sujet qui nous intéresse ce soir, d'un livre, Gabin Dietrich, un couple dans la guerre. Alors, la photo que je viens de décrire figure en couverture de ce livre d'ailleurs. Alors, pourquoi cette histoire est aussi passionnante et continue de nous toucher? Est-ce que parce qu'elle mêle le cinéma, l'intime et la grande histoire? Tout à fait. C'est d'abord deux personnages extraordinaires. Gabin, qui est le plus grand acteur français à l'époque, qui rencontre très rapidement la plus grande actrice allemande et qui vont passer des paillettes hollywoodiennes à la dure réalité de la guerre. Et je dirais même la photo que j'aime beaucoup et également, hein, je trouve que dans leurs yeux, ils prennent à témoin le photographe en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces uniformes ?» Comme si finalement, ils étaient parachutés là. Alors que non, c'est leur décision. Mais je crois qu'on est dans l'ordre du paradoxe. Oui, mais ils sont bien dans leurs chaussures, ils sont bien dans leurs godillots. Hein, oui. On sent qu'ils sont, sont présents. Mais je pense que quand ils se rencontrent en juillet 41, aucun des deux ne peut soupçonner ce qui va leur arriver. Alors 1941, c'est donc l'année où débute la relation de Marlène Dietrich et de Jean Gabin. Alors, qui sont-ils à ce moment de leur vie et de leur carrière respectivement? Marlène, même si elle n'a pas le succès de ses films des années 30, de L'Ange Bleu et des films avec Van Stenberg, est quand même encore une grande actrice qui joue dans des westerns. Même mondialement si connue. Mondialement quand même. Connue. Et Gabin, mine de rien, quand il arrive aux États-Unis, il est connu également. On l'appelle un petit peu le Spencer Tracy français. Et Pépé le Moko est sorti dans les salles aux États-Unis. Il a un beau contrat avec la Fox, donc il a quand même une certaine notoriété. Donc Marlène Dietrich, elle était aux États-Unis, mais elle est allemande. Donc à quel moment elle est partie en fait d'Allemagne? Est-ce l'Allemagne de Hitler qu'elle a quittée? Exactement, c'est-à-dire quand elle quitte l'Allemagne en 1930, c'est plutôt pour la promotion de L'Ange Bleu et de. On l'invite à aller tourner à Hollywood, mais elle fait des allers-retours fréquents avec l'Allemagne. Et puis en 1933, elle découvre un petit peu ce nazisme qu'elle n'apprécie pas du tout, cette propagande qui l'oblige à se lever sur le paquebot qui l'emmène, qui doit l'emmener en Allemagne. Et à partir de 1933, elle va décider de ne plus remettre les pieds en Allemagne. Et elle se fait naturaliser américaine juste avant la guerre. Et ça, les Allemands vont pas du tout lui pardonner. Oui, parce que les Allemands, donc les Allemands du régime d'Hitler, vont tenter de la faire revenir. Ils espèrent en faire un symbole du cinéma nazi. Alors Goebbels essaye de la faire revenir et d'autres se défendent en disant de toute manière elle a été corrompue par les Juifs d'Hollywood. Et c'est pour ça qu'elle ne revient pas. Et en ce qui concerne Jean Gabin, il s'est engagé en 1939, il aurait pu éviter de partir à la guerre, mais lui dit non, je ne veux pas de passe-droit. D'abord. Il rejoint en tout cas son régiment. Les Allemands lui proposent de tourner, il refuse. Au moment de l'occupation. Voilà, au tout début de l'occupation. Et au début, il n'a pas spécialement envie de partir aux États-Unis. En 1937, Jack Warner lui avait fait des ponts d'or. Déjà, il avait refusé en disant « Écoutez-moi, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire chez les Amerlocs? Je suis un Français, j'ai besoin de rester en France. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille là-bas » Oui, il se sent un comédien français. Exactement. En 1940, donc à l'automne 1940, c'est là que commence à se dire, est-ce que je vais rester, est-ce que je dois partir? Et alors, il sait que Michel Morgan va partir. Oui, qui est alors sa chérie. Qui est alors quand même sa compagne. Oui, depuis le tournage de Remorque. Exactement. Et comme les Allemands lui font un pont d'or et sont prêts à libérer même son neveu qui est prisonnier en Allemagne, là, il, non seulement il refuse, il ose refuser de travailler avec eux, mais il se dit qu'il va peut-être falloir partir. Patrick Glatre, nous reviendrons tout à l'heure sur le sens de cet engagement et sur la relation de ces deux personnages attachants. Tout de suite, Marlène Dietrich et Jean Gabin, Une passion dans la guerre, un texte de Zoé Gabillet et Clara Saher, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire sur France Inter, réalisation Pascal Deux. Gouline ce rouge à lèvres. De quoi je vais avoir l'air? Allez, ma Lily, clap de fin, le film est en boîte. Quelques verres avec les copains pour fêter ça, et comme dit Jean, on ne fera pas de vieux os. Je veux être en forme demain pour le grand voyage. L'Amérique, enfin. Retrouver Los Angeles. Mais ce film français a été un bon moyen de remettre le pied à l'étrier. Et partager l'affiche avec Jean. Nous en avions tellement rêvé. Notre couple est si beau dans la vie qu'il ne peut que briller devant une caméra. Est-ce qu'il est aussi enthousiaste que moi? Qu'est-ce qu'il a? Cette violence et colère, ça ne lui ressemble pas. Je me dis parfois qu'il va refuser de me suivre aux États-Unis. Mais non, c'est absurde. Je joue à me faire peur. Une fois de retour là-bas, il sera comblé, j'en suis sûre. Y a-t-il un acteur, un seul au monde, qui pourrait renoncer à Hollywood? Oh, oh, du calme sur le maquillage. Less is more. Un soir d'août 1946, la star internationale Marlène Dietrich se maquille dans sa loge. Sur un cliché en noir et blanc pris au studio de Saint-Maurice, près de Paris, une équipe de cinéma prend la pose pour immortaliser la fin du tournage du film Martin Roumaniac, réalisé par Georges Lacombe. Au centre de la photo, Marlène, resplendissante, sourit à l'objectif, tandis qu'au premier plan, Jean Gabin, son partenaire à l'écran comme à la ville, se tapit dans l'ombre comme pour se faire oublier. La Seconde Guerre mondiale, qui avait amené les deux acteurs à s'exiler, elle de l'Allemagne nazie, lui de la France occupée, est finie depuis un an. Avec la paix, arrive l'heure des décisions. Rester en Europe ou retourner aux États-Unis ? Celle qui incarna l'ange bleu veut repartir à Hollywood. Mais Jean Gabin, si l'acteur est fou amoureux de Marlène, il est soulagé aussi d'avoir enfin retrouvé son pays, la France. Le monde, la guerre, tout était si différent quand leur histoire d'amour avait commencé dans un club de Manhattan en juillet 1941. Good evening, sir. Central Park West, 72nd, please. Okay. Et nous allons prendre un ami en route avant de continuer vers une autre adresse. Et que ça saute, chauffeur. Right. Madame est pressée d'aller son canailler. Tu ne manques pas d'air, Ernest. C'est plutôt toi qui ne tiens plus en place à l'idée de boire un drink. Oh, chère Marlène, tu oublies que je suis un homme prévoyant. Je ne sors jamais sans ma fiole. Ah, tiens, t'en veux? Ton torboyau, tu peux te le garder. Bourgeoise. C'est bien mal me connaître, darling. Dis-moi un peu plus sur cet homme que nous allons voir ce soir. Marié? Célibataire? Veuf? Je te préviens, je refuse de fréquenter les veuves. Ils sont trop déprimés. Et finir la soirée en jouant à la maman, très peu pour moi. Tu vois, ton numéro de Sainte-Nitouche n'aura pas tenu longtemps. C'est un producteur hollywoodien à succès, Chuck Hartman. Yeah, intéressant. Opportuniste, va. Chuck est un type très engagé qui travaille beaucoup avec les exilés. Très bel homme pour parfaire le tableau. Je suis surpris que tu ne le connaisses pas, toi qui recueilles chez toi tous les Européens qui fuient la guerre. Mon cher Ernest Hemingway serait jaloux. Oh, Marlène, Je ne comprends pas pourquoi tu continues à collectionner les amants alors que l'homme de ta vie est assis à tes côtés dans ce taxi. Si je te résiste, c'est pour notre bien. De caractères de feu comme les nôtres, il vaut mieux rester amis. Crois-moi, notre couple serait une vraie corrida. Marlène Dietrich entretient une amitié sincère et profonde avec l'écrivain américain Ernest Hemingway. En 1941, il vient de publier « Pour qui sonne le glas », un roman inspiré de son expérience de la guerre civile espagnole. Marlène Dietrich a quant à elle quitté l'Allemagne pour l'Amérique en 1930 avec son Pygmalion, le réalisateur Joseph von Sternberg. Le duo a conquis Hollywood avec des films comme « Shanghai Express » et « L'impératrice rouge ». Ces succès mondiaux ont fait de Marlène une icône internationale. Quand l'Allemagne bascule dans le nazisme en 1933, elle choisit de rompre avec son pays d'origine. Elle décide de demander la nationalité américaine qu'elle obtient en 1938. Hemingway et Dietrich, deux forts caractères, se retrouvent sur de nombreux points. Ils discutent souvent de longues heures de la situation politique, dans un New York où la fête bat son plein jusqu'au bout de la nuit. Ah! Les voilà, nos amis. Ok, driver, stop here, will you? That's good. Ok. Oh, allez, Marlène, serre-toi près de moi. Ernest. Hey, Chuck. Ah, dites donc, Chuck, vous êtes venu avec un ami. Oh, deux pour le prix d'un. Frau Dietrich va être content. Ne l'écoutez pas, monsieur Altman. Ernest est insortable. Madame Dietrich, c'est un honneur de vous rencontrer. Laissez-moi vous présenter mon ami. Ne vous fatiguez pas avec les ronds de jambes, la grande et moi, on se connaît déjà. Excusez-le, madame. Jean est français et acteur, deux raisons suffisantes pour être infect avec les autres. Jean Gabin, vous ici. Ça vous étonne? Moi aussi, j'en reviens toujours pas d'avoir quitté la France. Oh, ma parole. À croire que l'Europe est un mouchoir de poche. Entre Européens, vous vous connaissez tous? Européens ou pas. Le monde entier connaît Marlène Dietrich. Si ça, ce n'est pas une réplique de cinéma. Il y a quelques années, quand j'ai rencontré Jean Gabin à Paris, il m'avait paru bien insignifiant. Le charisme d'une patate. Mais ce soir, c'est différent. Quelque chose d'animal se dégage de lui. Quelle prestance! Barman, Decker is all round, if you please. Oh, j'ai envie de me saouler ce soir. J'ai déjà entendu cela quelque part. Oh, que voulez-vous, Chuck? Je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis abattu. Si demain, le fascisme domine le monde, qui lira encore le soleil se lève aussi, hein? En effet, je ne sais pas. Mais je suis persuadé que tout le monde boira encore des cocktails. Une chose que ces salauds n'auront pas. Moi, je ne veux pas de votre breuvage de pilier de bar. Faisons honneur à notre invité français. Champagne. Ah, cette boisson de fillette, très peu pour moi. Qu'est-ce qu'il a contre les bulles de Stribouillard? Il plaisante, Jean. Vous devez vous détendre. Ici, vous êtes en Amérique, le pays où tout est possible. Au pays, c'est la France. Si ça vous intéresse, il est en ce moment sous la botte nazie. Mes compatriotes souffrent. Personne n'oublie la guerre. On peut juste tenter de la mettre à distance le temps d'une soirée. Jean a raison. Nous autres Européens, nous ne pouvons pas occulter ce qui se passe chez nous, ne serait-ce qu'un instant. Et vous, Jean, quand êtes-vous arrivé à New York? Quelques mois. Comme tout le monde, j'ai été mobilisé en 39, mais votre patrie, chère Marlène, a écrasé la France assez rapidement. Ma patrie? Ma patrie, c'est ici. Mon Allemagne n'existe plus. Je ne reconnais pas ce pays perdu sous les croix gammées. Je suis américaine désormais. D'accord, et champagne. Thank you. Au cinéma, ça s'est passé comment pour vous? On vous a laissé encore travailler un peu, hein? Après la défaite, il était impensable pour moi de tourner pour Vichy, ou pire, pour la Continentale. Pas question de faire le mariole devant une caméra pour ces gens-là. La France doit affreusement vous manquer. Ça me rend malade de la savoir occupée. Et puis ça me rend malade aussi d'être ici à me faire payer pour faire l'acteur, alors que les Français subissent l'humiliation au quotidien, quand de pauvres gamins se font descendre tous les jours par les nazis. La guerre est loin d'être finie. Je pense que les Américains finiront par venir donner un coup de main à Churchill, mais même s'ils entrent dans le conflit, ça prendra du temps pour venir à bout d'Hitler et de ses petits copains. Le sang risque encore de beaucoup couler, je le crains. Vous y connaissez quoi, la guerre, vous? Ernest était en Espagne au plus fort de la guerre civile. Madrid en 36. Ce n'était pas une partie de plaisir. Oh, laisse, Marlène. C'est normal d'être emporté par la fougue sur de tels sujets. Pardonnez-moi, je suis à cran. Quelle horreur, cette guerre d'Espagne. Vous étiez dans les brigades internationales ? Non. J'étais là-bas comme reporter de guerre. Je suivais les combattants républicains. Et des atrocités, j'en ai vu. Des massacres, des viols. Des deux côtés, d'ailleurs. Je me doute. En fait, avec la guerre civile espagnole, vous avez eu un avant-goût de ce que le reste de l'Europe allait connaître 3 ans plus tard. Et moi, quand j'ai vu les Boches débarquer à Paris, je n'ai pas cru une minute à leur mine polie, soi-disant correcte. Et avec tout l'amour que je porte aux musicaux et au cinéma, je ne pouvais plus exercer mon métier là-bas. Et c'est tout à votre honneur. Certains de mes confrères ont moins de scrupules que moi. Et vous, Marlène, l'Allemagne ne vous manque pas ? Absolument pas. La dernière fois que j'ai voulu retourner en Allemagne, c'était en 1933. J'ai embarqué à New York sur l'Europa, un paquebot allemand. Quand je suis arrivée à bord, on m'a fait savoir que ce serait un immense honneur pour le commandant de m'avoir à sa table pour le dîner. Je me suis dit, pourquoi pas ? Mais juste avant que nous soyons servis, il a demandé un silence absolu pour écouter à la radio un discours du Führer. Je nous revois au milieu de ce salon flottant. J'ai été la seule à rester assise. Tout l'équipage, au garde à vous, a écouté cette voix pleine de haine et de folie. J'ai décidé de débarquer à Cherbourg et j'ai fait marche arrière vers les États-Unis. Donc, autant vous dire que pour rien au monde, je ne regrette l'Allemagne d'aujourd'hui. Mais les nazis, eux, doivent vous regretter. Marlene Dietrich chantant Lily Marlene, ça leur a fait une belle réclame. C'est sûr, Jack. Ils ont même fait des pieds et des mains pour que je revienne au pays. Ils m'ont proposé un pont d'or. Goebbels avait même imaginé une sorte de parade à la porte de Brandebourg à Berlin pour mon arrivée. Vous imaginez l'ambiance, les dieux du stade, la marche au flambeau. Ces barbares ne doutent rien. C'est une sacrée femme, Marlène. M'impressionner. Je suis une femme libre, Jean. Personne ne me contraint. Personne ne me dicte sa loi. Et quand je dis personne, cela veut dire pas même Hitler. Il n'est pas froid aux yeux. Froid aux yeux? Mais pourquoi? Cela n'a aucun sens. Oh, ces expressions françaises me font mourir de rire. Qu'y a-t-il de drôle, Marlène? Je veux rire, moi aussi. Une expression que Jean vient d'utiliser. En France, pour désigner quelqu'un qui n'a pas peur, on dit qu'il n'a pas froid aux yeux. C'est hilarant, non? Oh, tu danses, Ernest? Non, je bois. Accordez-moi cette faveur, madame. C'est pas tous les soirs que je pourrais swinguer avec la plus grande star du monde. Voilà un homme qui sait parler aux femmes. Ah, c'est bien, Jean. Vous faites rire, Marlène. Quelque chose me dit que vous lui plaisez. Mais oui, vous êtes ivre. Je suis tout le temps ivre, donc ce n'est pas un argument recevable. Elle est sous votre charme, mais méfiez-vous. En amour, Marlène est une experte. Personne ne lui résiste. C'est absurde. La grande est mariée et a un enfant. Oh, ne soyez pas si petit bourgeois, Gabin. Cela n'empêche pas Marlène de vivre sa vie. Le mariage. Qu'est-ce que ça veut dire de nos jours? Le monde est sur le point d'imploser et vous, vous me parlez de vœux de fidélité. Marlène Dietrich voudra gueule. Alors foncez. Hey, boy! Little! Ce soir de 1941, Dietrich et Gabin vivent un véritable coup de foudre. Ils emménagent rapidement ensemble sur la côte ouest dans une villa de Beverly Hills que leur loue Greta Garbo. Marlène, toujours mariée au père de sa fille, Rodolphe Siebert, vit avec Gabin une passion quasi exclusive, elle qui jusqu'alors collectionnait amants et maîtresses à un rythme effréné. Jean est marié à Jeanne Mauchin, une meneuse de revue française dont il divorcera en 1943. Marlène, folle amoureuse, commence à imaginer son avenir avec celui qu'elle considère comme l'homme de sa vie. Mais l'aventure américaine ne sied guère à Jean Gabin, qui peine à apprendre l'anglais et qui, sous contrat avec la Fox, ne tourne que des films de série B. Les deux stars vivent mal l'éloignement avec l'Europe et ne supportent plus cette vie facile à Hollywood. Ils n'attendent qu'une chose, pouvoir s'engager. L'attaque sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941, qui marque l'entrée en guerre des États-Unis, va précipiter les événements. Looking for Plateau? Yeah, it's here, sir. But please be quiet. It's what do you mean he used to work for you? Well, Cut! Okay, take five, everyone. Marlene, that was beautiful. Perfect. Well, thank you, Raoul. I'm going to have my time. Jean! Mon amour! Quelle surprise! J'adore quand tu viens me voir travailler. Ça me donne envie d'être encore meilleure. Tu m'amènes dîner? Si on veut. Sortant de ce studio, j'ai besoin d'air. Comment tu m'as trouvé? J'étais bien, non? Ce Raoul Walsh est un excellent directeur d'acteurs. Très bien. Sans plus? Parce que plus que très bien, ça existe pour toi. Parfaite, là, ça te va? Mon amour, ne t'énerve pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air soucieux. Si tu es venu, ce n'est pas pour m'emmener dîner, c'est ça? Écoute, ma grande, j'ai bien réfléchi, je veux partir. Comment ça, partir? J'en peux plus d'être ici. J'étouffe. Alors c'est décidé, je vais rejoindre De Gaulle. De Gaulle? À Londres? Mais tu aurais pu m'en parler. C'est une décision qui se prend à deux. T'es la première à parler d'engagement. Oui, mais partir faire la guerre, c'est grave. J'ai la nausée à l'idée de faire des grimaces devant une caméra. Je ne supporte pas l'idée de faire le beau sous le soleil de Californie, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le merdier. J'ai envie d'y prendre ma part. Voilà. Ok, bien sûr. Tu as raison. Tu crois quoi? Que nous, les femmes, on ne peut pas comprendre que vous, les hommes, vous vouliez partir sur le front? Tu crois que je ne me bats pas, moi aussi, pour sauver le camp de la liberté? Ton engagement ici à Hollywood est très louable, mais c'est pas le front. Prendre des baisers dans des soirées de charité pour financer des formes de guerre, c'est bien, je dis pas. Mais moi, je suis un homme. Tu comprends, ça me suffit pas. Alors, je veux payer de ma personne. Ne sois pas si macho, Jean. C'est à ta grande que tu parles. Tu verras. Tu me retrouveras très vite sur le front. On verra qui de nous deux mettra le premier le pied en Europe sous la mitraille. Je ne peux pas te retenir. Mais sois sûr d'une chose. Je t'aime à en crever. Et personne ne pourra nous séparer. Pas même Hitler. Pas même Hitler. Ah, oh, viens ici, ma blonde, que je t'embrasse. En avril 1943, Jean Gabin embarque sur l'escorteur Elorn en direction de l'Europe. Retrouvant son nom civil de Jean Montcorgé, il s'engage en tant qu'officier d'armes dans les forces françaises navales libres du général de Gaulle. Sa mission consiste à escorter les pétroliers américains jusqu'à Alger. L'acteur connaît bien la mer puisqu'il a déjà servi dans un corps de marine à Cherbourg en 1939. Son convoi sera à plusieurs reprises la cible des avions de la Luftwaffe. Arrivé finalement à bon port à Alger, il est affecté à la formation des jeunes recrues. De son côté, Marlène s'est engagée dans l'USO, une organisation créée en 1941 pour divertir les troupes américaines. Comme d'autres grands noms de Hollywood, tels que Gary Cooper, Cary Grant ou Rita Hayworth, Marlène Dietrich donne de son temps à la nation américaine pour aider à lever des fonds pour financer le débarquement en Afrique du Nord qui aura lieu en novembre 1942. Quelques mois plus tard, en avril 1943, elle décide de franchir le pas et entame un tour de chant sur le front. Sa grande première a lieu à Alger. Marlène sait qu'elle peut y retrouver Gabin. Cela fait des mois qu'ils ne se sont pas vus. Si elles pouvaient me tenir la main à chaque instant de cette satanée guerre, elles me berçaient tous les soirs. Je te jure que leur guerre, elle pourrait durer toute une vie. Ça me poserait pas de problème. Ce genre de bonne femme, ça me fait rien. Jamais été très musical, mais c'est vrai qu'elle a de sacrés du bol. Vous êtes des héros, mes chéris. La victoire, on l'obtiendra grâce à vous. Jérusalem. Méchant, où est-il, bon Dieu? J'ai traversé l'Atlantique en pensant le retrouver, il n'est nulle part. Si tu savais comme je trépigne debout sur ces caisses de munitions vides, j'ai tellement besoin de sentir tes mains sur mes hanches. Gabin, ne me fais pas le coup de ne pas venir. Eh bien, soldat à mon gorget, c'est comme ça qu'on reçoit la pépite de sa vie. Sa grande, dos à la scène, accoudée au bar, sans se retourner une seule fois pour me regarder. J'avais peur de vivre un rêve. Qu'à la fin de la chanson, tu disparaisses d'un claquement de doigts. C'est bien moi. Tâche-le, en chair et en os. Tu ne m'embrasses pas? Pas en public, ma beauté. Je risquerais de faire des jaloux. J'ai traversé l'Atlantique, tu sais, pour te voir. Qu'est-ce que ça peut foutre qu'on nous regarde? Tu m'as tellement manqué. Accompagne-moi dans ma loge. Tiens. Aide-moi à enlever ma robe. Avec cette fermeture dans le dos, c'est compliqué. Ah, attention. Je n'en ai qu'une. Enfin, je respire. Ta peau est toujours aussi douce. J'ai l'impression que t'as perdu du poids. Je n'ai pas à me plaindre. Je mange à ma faim. Toi aussi, tu as maigri. Tu as les joues creusées. La guerre ne réussit à personne. Quand je t'imagine embarqué dans ce merdier, je voudrais... Tout le monde a peur. Mais on sait pourquoi on est là. Et je me souviens de Humphrey Bogart dans le film « Convoi vers la Russie ». Je l'ai vu juste avant de quitter l'Amérique. Superbe de mépris, de flegme, sous le canardement, pas une onde de peur. Alors que nous, pour de vrai, on tremble de trouille en essayant de jamais le montrer. Et quand on part en mer, on ne doit pas être bois vert, vert de peur. Sans parler des dégueulis, par-dessus le bastingage. Et je peux te dire que les scénaristes, quand ils écrivent des scènes de bateau, ils taillent dans le vif. Enfin, la mer, si tu savais comme ça te retourne. Et ici, à Alger. Oh, ici, c'est une autre histoire. Je suis là, à faire le zouave. J'enseigne les rudiments de la mer à des gamins. Je serais beaucoup plus utile en France avec un fusil. Sois patient. Tu reprendras les combats bien assez tôt. Mais la guerre, c'est sur le plancher des vaches qu'elle se joue maintenant. Je pourrais conduire un char. Marlène, I was looking for you. Let's have a drink and tail him on with a drop of vodka. I'm coming. 2 minutes, please. Je vous attends au bar. J'oubliais que t'avais tes boys avec toi. I was looking for you, et c'est cet amerloc qui t'aide à dézipper ta robe quand je suis pas là. Jean, je t'en prie. Une crise de jalousie alors que le monde est en guerre, c'est franchement grotesque. Ouais, t'as raison, faut que je me calme. Attendons la capitulation allemande pour reprendre nos scènes de ménage. Mais en attendant, viens là. Je dois vérifier quelque chose, là, ici, précisément. Dans le creux de ta nuque. Marlène quitte Alger pour avancer vers l'Europe avec les troupes américaines. Le 22 janvier 1944, les Alliés débarquent en Italie. La star continue son tour de chant, faisant fi de la peur, des conditions extrêmes et aussi de l'angoisse de n'avoir que peu de nouvelles de Jean, qui, lui, continue sa mission à Alger. De plus, elle le sait bien, Marlène est considérée comme une traîtresse par le régime nazi. Sa présence sur la ligne de front est d'autant plus risquée que si elle venait à tomber aux mains ennemies, c'est à n'en pas douter la mort qui l'attendrait. Quant à Jean, il trépigne de partir au combat et veut à tout prix quitter Alger. Il suit donc une formation de conducteur de chars et revient sur le sol français à l'automne 1944 par Brest. Dans l'intervalle, Paris a été libéré au mois d'août. Intégré à la 2e DB du général Leclerc, Gabin participe ensuite aux violents combats de la campagne d'Allemagne. Après la capitulation du Troisième Reich le 8 mai 1945, son régiment est le premier à pénétrer dans le Berghof, le nid d'aigle d'Hitler en Bavière. Ainsi, pendant de longs mois et entre quelques furtives rencontres lors de permissions, les deux acteurs s'écrivent. Je t'annonce que j'ai fini en moins d'une semaine la cartouche de cigarettes que tu m'as donnée. Tu sais ce que c'est, je les ai partagées avec les copains. Le Roger n'a plus de nouvelles de sa femme depuis maintenant 3 mois. On pense tous qu'elle s'est fait la malle, mais on ne dit rien. On ne l'encourage pas non plus à s'imaginer que tout va bien. Je redoute que tu fasses de même. Je n'ai aucune idée à quoi ressemblera demain. Je ne sais qu'une chose, c'est que je te veux tout à moi. T'avoir à mes côtés et retrouver mon patelin. Ça va te faire rire, mais la distance me rend fleur bleue. Et je suis pris par des élans de romantisme. Je me demandais si tu accepterais de devenir ma femme. Parfois même, je nous vois avec un enfant. L'idée me réconforte. Mon ange. Tante Phil Blue, mon ange. Tu sais que je pense à toi. En quelle langue dois-je t'écrire que je resterai avec toi toute ma vie ? Jean. Marié ou pas ? Mais si tu veux un enfant, il vaut mieux qu'on se marie et que je divorce. Rudy est d'accord pour le divorce. C'est plutôt l'idée qui le choque. Et je dois dire qu'elle me choque aussi. Simplement l'idée, c'est tout. Nous sommes si bourgeois au fond. Enfin, j'ai rêvé que Renoir me faisait tourner. Ça se passait en France, il y avait Marcel Daliot aussi. Je t'en prie, ne sois pas jaloux, ce n'était qu'un rêve, mais la sensation que j'ai eue en me réveillant était très agréable. J'ai hâte de retrouver les plateaux de cinéma. Le bruit court que les Schlues vont enfin capituler. Ils sont coriaces. En attendant, quand je peux, je dépose des géraniums rouges sur les tombes de soldats. Ta fleur préférée, la plus résistante, comme notre amour. Quand te reverrai-je, mon amour ? Ma grande, lire tes lettres, c'est comme entendre le son de ta voix. Toujours, mon ange, je t'aime. Ici, les combats font rage, ta et grande. Même si tout le monde parle de la capitulation, les gars et moi, on ne voit pas la fin de cette foutue guerre. Hier, nous avons croisé une vache égarée, et ça m'a rendu nostalgique. La France me manque. Mon amour, n'oublie pas, tiens bon, je t'aime. Nous serons de nouveau réunis. Jean. Bientôt, tu pourras sentir le vent de la liberté qui souffle sur Paris. Cette ville si chère à ton cœur. Tu aurais dû voir les rues en ce 25 août. Ça dansait, ça chantait, ça s'embrassait. Les Parisiens étaient ivres de bonheur et de vie. Hemingway est venu quelques jours. Il est censé écrire un reportage sur le Paris de l'après-occupation. Il a vendu cette idée à un journal américain, mais j'ai l'impression qu'il travaille plus sur son prochain roman que sur cette commande. Il m'a demandé de tes nouvelles et m'a dit penser souvent à toi. En t'attendant, j'ai pris mes quartiers au Plaza Athénée, où tout est prêt pour ton arrivée. Le directeur, un homme délicieux, est à notre disposition et rêve de te rencontrer. Ton public ne t'a pas oublié. Tourner un film tous les deux serait une belle revanche après ces mois loin des plateaux. Comme je suis impatiente. Reviens vite. L'amour, le cinéma, tout cela n'attend pas. L'Allemagne nazie capitule le 8 mai 1945 et Jean Gabin est démobilisé quelques semaines plus tard. Marlène Dietrich vient le retrouver en Bavière, puis ils regagnent ensemble Paris. Alors que l'industrie cinématographique française reprend doucement, les deux acteurs retrouvent les plateaux de cinéma. Ils sont les héros de Martin Roumaniac, réalisé par Georges Lacombe, qui sera le premier et le dernier film qu'ils tourneront ensemble. Ils y jouent un couple consumé par la passion et la jalousie, brisé par la mort, puisqu'en guise d'épilogue, le personnage de Gabin étrangle celui de Dietrich. Sombre présage que cette unique apparition commune sur la pellicule. 3, 2, 1... Ah, magnifique. Marlène, vous êtes magnifique. Magnifique. Bravo pour le travail. Jean, que se passe-t-il ? C'est la fête de fin de film. Depuis le début de la soirée, tu es fuyant. Allez, mon amour. Armand ? Oui, Marlène. S'il vous plaît, pouvez-vous me rapporter une bouteille de champagne ? Tenez, prenez ces tickets de rationnement. Je vais me débrouiller. Et pour vous, Marlène, je vous trouverai du champagne en plein désert. Je vois que ton assistante est à la bonne. Plus fort que toi, t'as besoin de maîtriser tout ce qui t'entoure. Et que me vaut tant d'agressivité ? As-tu une idée seulement de ce que Armand, cet assistant de 21 ans, endure pour être heureux ? Armand partage la vie de Paul. Tu vois ? Celui là-bas, qui joue le piano. Eh bien, je les admire. J'admire leur amour. Quand on pense à tout ce qu'ils ont dû traverser, tant d'épreuves pour vivre comme ils l'entendent. Alors, mon cœur, je t'en prie, Nous avons tout pour être heureux. On s'aime. Tu fais le métier de tes rêves. Acteur, ce n'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, être acteur? C'est pas un métier. Ta carrière, t'as que ce mot-là à la bouche. Quand j'ai quitté la France, j'avais 37 ans. J'étais en plein boom. Je tournais dans les meilleurs films. Pépé le Moko, La Grande Illusion, Quai des Brumes. Avec les meilleurs réalisateurs. Duvivier, Carné, Renoir. On en a bien profité, j'étais acteur, comme tu dis. Mais maintenant, je suis revenu, j'ai vieilli. Mes cheveux sont blancs. Et les cheveux tout blancs, ça change le personnage. Alors qui va vouloir faire tourner un coton-tige? Allez, viens avec moi à Hollywood, comme avant, mais cette fois sans la peur. Tu as tes entrées dans les studios et regarde, Jean Renoir, justement, il a réussi à faire carrière en Amérique, pourquoi pas toi? Ça sera sans moi. Jamais je ne retournerai là-bas. Et nous? Jean, tu as pensé à nous? Le lendemain de cette fête de fin de tournage, Marlène s'envole pour les États-Unis comme elle l'a décidé. Elle reviendra en décembre 1946 pour la première du film Martin Roumaniac. Ce soir-là, déjà séparés depuis quelque temps, ils ignorent tous deux qu'ils ne se reverront jamais. Les critiques sont unanimes, les amants à l'écran ne sont pas convaincants et le film est boudé par le public. Marlène comprend que Jean ne la rejoindra jamais à Hollywood. Brisé par la guerre et pétri de désillusions, Jean doit reconstruire sa carrière. Gabin évitera la Dietrich jusqu'à la fin de sa vie, alors qu'elle essaiera par tous les subterfuges de revoir son ancien amant, allant jusqu'à emménager à Paris, avenue Montaigne, dans un appartement face au Plaza Athénée, l'hôtel où ils vécurent ensemble après la guerre. En vain. Jean Gabin mourra le 15 novembre 1976, sans jamais l'avoir revu. Comme il le souhaitait, son corps sera incinéré, et en souvenir de son passé de marin, ses cendres seront dispersées au large de Brest depuis un navire de la Marine nationale. Les enfants, quelques amis intimes, Madame Venturin, Gilles Grangier, Oudelon, celui-ci en par-dessus noir, nu-tête, l'amiral... Alors mon Jean, t'as préféré finir comme une Gauloise dans un cendrier? Tu serais fier si tu les voyais, tous ces marins à te pleurer sur le pont, et ce bel âtre de Delon, la rigolade. Le pire, c'est qu'ils semblent tous sincères dans leur tristesse. Et moi qui espérais te retrouver sous terre. Pourtant, la naïveté ne faisait pas partie de mes défauts. Jusqu'au bout, j'ai cru te rejoindre dans la tombe. Et à moi aussi, tu as réservé une surprise. Et une sacrée surprise. Mon amour, je dois dire que tu t'es surpassé. Selon tes dernières volontés, ton ami le notaire est venu me déposer un colis contenant toutes nos lettres et les cadeaux que je t'avais faits. Quelle idiote je suis! Je m'attendais à une dernière déclaration, une lettre où tu m'expliquerais tes silences, toutes les fois où tu m'as évité, toutes ces fois où moi j'espérais te revoir. Si tu voulais me faire du mal en faisant ça, eh bien, c'est gagné. Bravo! Alors je vais garder ce colis pour occuper mes longues soirées d'hiver. Une vieille dame comme moi, tu sais, n'est plus très sollicitée. Heureusement que Armand est fidèle. Mieux vaut un véritable ami qu'une armée de courtisans. Tu croyais quoi en me rendant ces lettres? Qu'avec l'âge, mes souvenirs se seraient effacés? Tu n'aurais pas dû te donner tant de mal. Jamais. Je n'oublierai jamais l'amour que j'ai eu pour toi. Mon vieux lion. Marlène Dietrich et Jean Gabin, une passion dans la guerre, de Zoé Gabillet et Clara Saer. Avec Andrea Schiffer, Marlène Dietrich, Patrick Pinault, Jean Gabin, Paul Bandet, Ernest Hemingway, Kester Lovelace, Chuck Altman et les voix de Duncan Evenou, David Stanley, Bastien Bouillon et Yuri-Li Zavalnouk. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Manuel Couturier et Manon Houssin, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Pascal Deux. Dans quelques minutes, on continue de parler de Dietrich et de Gabin avec mon invité Patrick Glâtre. Et comme on ne se lasse pas d'écouter la grande... Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Quand va la saison jolie, les jeunes filles les ont cueillies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les filles du temps qui passe? Qui peut dire où sont les filles du temps passé? Quand va le temps des chansons se sont données aux garçons? Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les garçons du temps qui passe? Mais où sont tous les garçons du temps passé? Lorsque le tambour roula, se sont faits petits soldats. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les soldats du temps qui passe? Mais où sont tous les soldats du temps passé? Sont tombés dans les combats et couchés dessous leur croix. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous? Où vont les fleurs, la chanson de Pete Seeger, interprétée en 1962 dans sa version française par Marlène Dietrich, bien sûr. Vous écoutez France Inter, autant en emporte l'histoire, réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Maxime Ingrand. Marlène Dietrich est à Paris. Marlène est soldat. Elle est ici, à nos côtés, dans cette chambre jonchée de fleurs qu'elle occupe depuis quelques jours dans un grand hôtel parisien. Cette réadaptation provisoire à la vie des grandes villes doit vous changer du régime de l'armée. Beaucoup, sauf l'eau froide le matin. Mais je suis soldat, alors. Comment opérez-vous militairement, si j'ose dire? Je suis les troupes alliées dans un camion. Quand je chante, je m'habille en robe de paillettes, car les soldats préfèrent cela. On me fait une sorte tréteau sur le camion, où je chante sur des caisses de munitions vides, naturellement. Vous avez dû parcourir un trajet immense. Oui, je connais beaucoup de routes. Avez-vous rencontré beaucoup de Français en Amérique? Oui. J'avais souvent chez moi Jean Gabin, Jean Renoir, Julien Duvivier. Comment avez-vous connu Jean Gabin? Je l'ai connu en France et quand il est arrivé en Amérique, je l'ai vu comme tous les Français qui venaient là-bas. Qu'est devenu Jean Gabin? Il est quelque part en mer. Il s'est engagé dans la marine et je ne reçois malheureusement pas de nouvelles. J'aimerais bien en avoir. Marlène Dietrich, en 1944, qui attend des nouvelles de Jean Gabin. Patrick Glâtre, vous connaissez bien sûr cette interview incroyable. Là, on a tout, il me semble. Hein. On a la star Marlène, la voix envoûtante, la femme amoureuse et la combattante. Et je dirais même plus, on a l'impression qu'elle se trahit malgré elle. C'est-à-dire qu'elle cite Gabin comme elle cite Renoir. Donc on pourrait croire que Gabin est un Français parmi d'autres. Bon, la journaliste n'est pas dupe. Hein. La journaliste n'est pas dupe et évidemment, à la fin, évidemment, elle avoue s'inquiéter. Et Gabin, à peu près à cette période, il est en mer et il est en train de revenir sur Brest, le Brest qu'il avait quitté pour Remorque. Oui, le film Remorque qu'il avait tourné juste avant la guerre. Exactement. Ouais. Et je disais, donc, c'est une femme combattante, Marlène Dietrich, et c'est pas du chiquet. Hein. Marlène Dietrich, même si elle n'a pas combattu les armes à la main, elle a quand même pris de réels risques physiques. Elle a failli être enlevée à deux reprises. Si elle avait été capturée par les Allemands, par les nazis, elle, la traîtresse, elle aurait été sans doute fusillée. Donc elle prend des vrais risques. Elle va jusqu'en Allemagne. En plus, pendant la campagne d'Allemagne. Pendant l'hiver 44, début 45, il fait jusqu'à moins 20 degrés. C'est un hiver très rude. Et en effet, elle manque d'eau. Et c'est ça qui est quand même fabuleux. C'est d'avoir l'habitude d'être dans les plus grands hôtels du monde et se retrouver à devoir se laver avec son casque. Oui, c'est une femme élégante et en même temps, elle est simple. Elle fait des choses simples. Elle n'a pas peur de faire la vaisselle, de nettoyer par terre quand il le faut. Enfin, elle a un côté à la fois star, robe paillette, et en même temps, elle est capable de mettre des gros godillots et d'y aller, quoi. Alors, je me permettrai juste un petit contraste parce que même quand elle est simple, elle est encore star. Gabin, il se bat anonyme sous son vrai nom de Montcorgé. Et d'ailleurs, personne ne sait quasiment qu'il s'est engagé, ou presque. Marlène garde son nom. Les GI reçoivent toujours des invitations. Ce soir, grand concert de Marlène Dietrich. Donc, elle continue d'être en spectacle, même pendant la guerre, alors que Gabin devient chef de char, se retrouve dans une boîte de conserve, totalement anonyme. Donc là, ils ont quand même deux chemins qui vont dans la même direction, mais ils l'empruntent pas du tout de la même manière. Oui, il a un risque physique quotidien. Exactement. Donc, d'abord sur le bateau qui l'emmène à travers l'Atlantique vers l'Alger, le bateau est bombardé par l'aviation allemande. Ensuite, quand il fera la campagne d'Italie, c'est... Votre fiction est beaucoup plus soft. Il dit « j'aurais bien aimé voir Bogart à ma place, ce salaud ». Oui, il reconnaît qu'il a peur et en même temps il dit « il faut y aller malgré tout ». À la riflette. Oui, c'est pas comme au cinéma. Exactement. Malgré tout, ils se ressemblent, ces deux personnages, Marlène et Gabin. Pourtant, ils se ressemblent pas beaucoup, mais en même temps, ils ont des choses en commun. C'est cet engagement, cette envie d'en découdre. Alors, je pense que quand même, c'est plus Gabin qui a entraîné Marlène. Je pense qu'il y a quelque chose qui l'a énormément marqué. C'est de recevoir des soldats français qui se préparent aux États-Unis. Et quand ces soldats, ces marins français, notamment quand les bateaux sont en appareillage aux États-Unis, quand ils rencontrent ces soldats, ces marins qui le regardent comme un héros, alors que eux vont risquer leur vie, il reçoit à un moment une photo d'un équipage où tout l'équipage a dédicacé cette photo. C'est évident qu'à un moment, il se dit « mais attendez, il me voit comme un héros alors que moi, je ne risque pas ma vie ». Oui, c'est une des choses qui va le motiver. Et il y a peut-être autre chose, une chose dont vous parlez, Patrick Glatre, dans votre livre, c'est que Dietrich, comme Gabin, sont surveillés pendant la guerre par le FBI. Pour quelles raisons étaient-ils surveillés? Est-ce qu'on les soupçonnait d'amitié avec l'ennemi, éventuellement? Ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que Gabin, pour partir de la France vichiste, n'ayant pas de contrat avec les Américains, doit avoir un visa. Et le visa, il est vichiste. Et ce qui n'est pas prévu, Gabin s'en fiche, lui, il a envie de partir. Mais ce qui n'est pas prévu, c'est qu'il rencontre Marlène, qui tombe amoureux tous les deux très vite, et qu'elle, elle est surveillée par le FBI parce qu'elle est allemande. Et le fait que ces deux-là se rencontrent, tombent amoureux très très vite, eh bien le FBI s'interroge. Il se dit, mais est-ce que Gabin ne viendrait pas récupérer des informations, lui qui a un visa vichiste? Donc pour Gabin, ça va pas durer très longtemps. On est en 1942. Très vite, les agents du FBI se rendent compte que finalement, il n'y a pas grand-chose à craindre. Pour Marlène Dietrich, ce sera un petit peu plus long. Alors Gabin réussit finalement à s'engager dans les forces françaises libres de Gaulle en avril 43 et à s'embarquer pour Alger en janvier 44. Et à quel combat va-t-il prendre part? Alors, il rejoint la fin des combats de Moselle. Il apprend qu'un char, le souffleur, a été détruit. D'ailleurs, il y a eu deux hommes qui sont morts. Et il se propose de lui-même de devenir le chef de char du souffleur 2. Les biographes se sont souvent demandé, mais comment on peut être jusqu'au boutiste à ce point-là, quand on a 40 ans, qu'on est claustrophobe et qu'on a peur du feu, alors que le risque principal quand on est chef de char, c'est de brûler dans son char. Moi, je pense qu'il y a justement cette suspicion du FBI qui fait qu'il a voulu se prouver à lui-même, comme aux Américains, qu'il n'était pas un planqué, qu'il n'était pas un guignol. Et il va rejoindre la Poche de Royan pour participer à la libération de la Poche. Donc ça, c'est en 1945. Avril 1945. Et ensuite, il participe avec la 2e DB à traverser de l'Allemagne pour rejoindre le nid d'aigle d'Hitler de Berchtesgaden. Berchtesgaden a été déjà libéré par les Américains, sauf que les Américains ont laissé aux Français le soin d'occuper le sud de la ville en oubliant que le nid d'aigle d'Hitler était dans le sud de la ville. Et à quel moment Jean Gabin revient en France? Alors, il reste à peu près 15 jours, 3 semaines en mai 45 en Allemagne. D'ailleurs, Marlène va le rejoindre quelques jours. Et il ne comprend pas qu'il ne soit pas démobilisé alors que la guerre est finie. Et en fait, il va revenir à Paris tout début juin 1945. À quel moment se sont-ils séparés, Marlène et Jean, après le tournage de Martin Roumaniac en 1946? C'est ça le moment clé? C'est le moment clé, c'est-à-dire que comme vous le dites très bien dans la fiction, la fin du tournage de Martin Roumaniac, ils sont assez fâchés tous les deux parce que Marlène se rend compte que son avenir n'est pas en France, qu'elle n'est pas une star à Paris. Elle ne pourra pas monter des films sur son nom. Et donc elle décide de repartir. Et Gabin n'a pas du tout envie de repartir aux États-Unis. Son oui, pays il est libre. Français. Son pays il est libre. Et puis de toute manière, pour lui, il le dira toute sa vie, les Américains sont tous des cons. C'est un peu radical, mais en tout cas, c'est évident qu'il n'a pas du tout envie de repartir. Est-ce qu'on sait qui a quitté qui alors? C'est plutôt lui qui est parti. Alors c'est plutôt Marlène qui est partie pour aller tourner un film. Qui s'appelle Les Anneaux d'Or, donc elle doit nécessairement s'en aller, et il lui pose un ultimatum. Il lui dit, si tu t'en vas, c'est fini. Il veut construire une famille, il veut avoir un enfant. Marlène, on ne sait pas toujours, ment sur son âge. Elle fait croire qu'elle a à peu près son âge à lui, elle a 3 ans de plus. Et à 45 ans, dans ces années-là, pour avoir un enfant, c'est évidemment pas facile. Et donc, elle s'en va. Elle pense que lui va quand même, va pas tenir cette résolution. Et finalement, il va la tenir. Et elle revient donc pour la sortie de Martin Roumaniac. Et là, les journaux assistent à Gabin portant les valises de Marlène et l'amenant jusqu'à l'aéroport d'Orly. Oui, moment triste. Triste. Et donc, on l'a entendu dans la fiction, peut-être qu'elle a regardé la cérémonie de la dispersion des cendres de Gabin le 19 novembre 1976 face à son téléviseur, toute seule dans son appartement de l'avenue Montaigne. Marlène Dietrich, elle, mourra en 1992 à Paris. Merci beaucoup Patrick Glatre. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Gabin Dietrich, un couple dans la guerre, publié en 2016 chez Robert Laffont, et plus récemment de Jean Moncorgé Gabin, acteur de la libération de Royan, aux éditions Bonne Anse. Par ailleurs, vous êtes le commissaire d'une exposition, Jean Gabin dans la guerre 1939-1945, qui se tient actuellement jusqu'au 18 février au musée du général Leclerc et de la libération de Paris, musée Jean Moulin, situé derrière la gare Montparnasse à Paris. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez bien sûr réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr. J'attends vos commentaires sur le site ou bien sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, encore un couple pris dans la tourmente de l'histoire, mais cette fois pendant la Révolution française. Lorsqu'en 1791, la reine Marie-Antoinette est gardée à vue au palais des Tuileries après l'échec de la fuite de la famille royale arrêtée à Varennes. Elle réussit à correspondre secrètement avec le comte Axel de Fersen, l'amoureux fidèle qui cherche à mobiliser les cours étrangères en faveur du roi et de la reine de France. AMA, Axel M. Marie-Antoinette, avec Anna Servinka et Stéphane Varupen de la Comédie Française, je recevrai l'historienne Evelyne Levert. Mais juste après le flash, bien sûr, ne manquez en aucun cas l'Afrique en solo de l'ami Soro Solo. Excellente soirée.